Nicolas. Nicolas. Je t'attendais. Tu sais tout? La guerre civile. Si rien n'est fait avant l'aurore, ce jour sera le dernier de notre confédération. Et les clochers sonneront jusqu'à toi le tocsin de la guerre civile. Depuis 7 ans, je les avertissais. Ils ne m'ont pas écouté. Et cette nuit, ils se préparent à la guerre, non pour défendre leur patrie, mais pour remplir leur bourse d'or. Toi seul peux nous sauver. Si ta voix descend parmi nous, le peuple entier te recevra. J'ai dit adieu au monde pour toujours. Parmi nous, peuple. Parmi nous. Parmi la foule en lourd tumulte, avant le jour. Aveugle proie de l'horreur désirée. Prêtons l'oreille au martelant galop du cheval roux de notre apocalypse. Parmi nous, foule, parmi nous, descends, clémente et pacificatrice. Ô voix, pareille à la rosée, viens te poser sur le cœur de violence. Apaise-nous, colombe miraculeuse, en ce tumulte.